déjà roulé. Que j'ai dans le pack, son tout est déjà roulé. Ok, ok. Oh, peut-être là je me fais sur le nez. Ouais. Billard de journée, je veux consommer cocaïne. Ok, purple dans le pack, son tout est déjà roulé. Ok. Wow, wow, wow, tout est déjà roulé. Oui, oui, oui. Everything rolls. Tout est déjà roulé. La batte est roulée. Ma team a roulé. So smash the TT. Fucking bitch. Yes, sir, boys. We back. Semaine 2 terminée. Quelle semaine, quelle semaine, j'ai hâte qu'on vienne ces match-ups. Il y a eu de la putain de fucking drama all weekend. Swatsky qui fait le deuxième meilleur pointage et qui paye, man. Suck it up, motherfucker. Ha ha! Damn right, bitch. Ok, ok. Fait que, boys, on va commencer avec les recap des match-ups. On va commencer justement avec ce match-up. Wang Yisting contre Smash de TT. A.K.A. moi contre Swats. Swats, très bien performé. Si je regarde ça, Dak Prescott, 39 points. Quel comeback des fucking Cowboys, man. Est-ce que les Falcons ont choked like always, motherfucker? Tom Brady, Lacan, 8 points. Là. Je sais pas ce que tu fais encore avec ça sur ton line-up, Swatsky. Ensuite, Miles Sanders. 20 points, 10 points. Camara, 38 points. Tabarnak! Il a perdu, puis Camara a fait 38 points. Mais vous pensez que c'est ça qui est drôle? Mais non. Aaron Jones, 45 points. And he still lose, motherfucker. Contre Clyde, 13 points. Thielen, 6 points. Putain que ça a laqué la game des Vikings. Là. Ils ont rien fait à l'attaque. C'est triste. Bob Woods, 11 points. OK. Ensuite, Calvin Ridley, back-to-back. Fucking big weeks avec 29 points contre 16 points contre Cooper. Waller, Swatsky qui me trash talk en début de soirée en un Monday night en me disant qu'il va faire plus de points puis il va me rattraper puis nanana. Pète d'autruche. Imminent. Bro, Waller se pète un 28.30 points. On a pace to be the first tight end of the year. Bitch. Ensuite, Mixon, 12 points, ça laquait, gros. Je sais pas pourquoi il donnait le petit ballon à Giovanni Bernard tout le Thursday night. Donc, Todd Gurley, 6 points. Il y a de l'arthrite, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Steelers, qui font 13 points de la défensive contre les Saints, 4 points. Je tiens à dire que tout le monde me trash-talkait quand j'ai draft la défensive des Steelers. Well, guess what, ils sont deuxième dans la ligue live. So, suck it up, bitches. Fait que c'est ça pour le premier score. Pour le deuxième score. Les groupes ils m'adorent quand je leur donne des Harry. Salope avec ta bouche qui est pleine de sauce. Je fabrique des wins avec quelques losses. Y'a beaucoup de. Bon, bouche pleine de sauce, comme on sait, c'est fait détruire. Boy, j'aimerais juste vous montrer un extrait de mon podcast la semaine passée. Ce que je pensais du match-up et tout ça. Là. Vous allez voir, c'est assez drôle, merci, parce que j'ai eu tout à fait raison. Fait qu'on écoute ça. On l'a eu tantôt sur le show, là, donc on est. Je pense que Lockdown de Hose, ça va être assez. On va se passer le dur rocher comme si c'était une vieille truie, là. Ça va être assez funky, merci. Il va le décaler ici. Ah! Got it! Got it! Oh! Wow! Wow! Et oui, encore une fois, du rocher qui passe une semaine la bouche pleine de sauce, gros. Il se fait péter par Lockdown de Hose. À ce qu'on dit, c'est du rocher sur la photo de l'osier d'équipe. Lol. Je tiens à souligner aussi que du rocher, on fait deux fantaisies ensemble. Dans l'autre fantasy, qui me dit qu'il s'en calissait quand il a fait un trade de merde et 2-0, me battu. Mais ici, il dit qu'il se concentrait puis tout, et 0-2. Ça en dit long sur ses capacités cérébrales. Wow! OK. Fait que on regarde ça de plus près. Lockdown de Hose dès 4h l'après-midi, dimanche, n'avait plus peur de Durocher. Jamais s'est fait rattraper. Kyler Murray, 32 points. Gros pic de l'osier. Kyler Murray est vraiment en MVP pace. Pat Mahomes, 27 points. C'est pas mauvais, c'est bon. Melvin Gordon, 16 points, c'est quand même bon pour Durocher, mais face à McCaffrey, 24,80 points. Rip loadé par Hadaway, McCaffrey is out. C'est triste. Ensuite, Singletary, qui a fait 9 points pour Durocher. Jacobs, 13 points. Robinson, 6,3 points. Ça lac, là. Sanders, 2,8 points. Ça aussi, ça lac. AJ Green, 5,9 points. Ça lac. DJ Moore, 20 points. Bonne performance. Ensuite, Higbee, grosse performance à 28 points. Il y a juste comme deux joueurs qui sont présentés pour du rocher, peut-être trois. Jared Cook, 9 points. Deshaun Jackson, 12 points. Rip Devante Adams à du rocher sur son flex, 6,6 points. Je pense qu'il ne joue pas cette semaine. Ce n'est pas une grosse blessure à la Saquon, mais quand même. Puis la défense des 49ers qui ont fait 5 points contre les Jets. Ça, sacrément, le calice ce que ça a. Nick Bosa blessé for long du rocher. Je ne sais pas si ça va magasiner une autre défense, mais je donne un petit tips. Ravens, la défensive a fait 15 points. C'est quand même assez salaud. Fait que that's it. Le lockdown de Hose qui défonce bouche pleine de sauce, qui se réveille encore une fois la bouche pleine de sauce ce mardi matin. Et maintenant pour le prochain match-up. Ah, c'est de beaux match-up. J'ai pas d'effet sonore pour ce match-up-là parce que vous avez pas de nom de toune dans votre nom. Puis je voulais mettre de quoi, mais ça a comme pas marché. Quel match-up entre Matt et Gauvin? 130 à 124 et 60, mais je tiens à dire que Gauvin a dépassé le score à Matt dimanche en fin d'après-midi, là, quand que. Pat Mahomes a fait une TD pass à Cheetah. Il a dépassé, mais je pense qu'après, il y a eu un fumble de Cheetah où il y a quelqu'un qui a fait perdre des points parce que quand je regarde le graphique, il l'avait dépassé puis il a redescendu. Genre, c'est rare qu'on voit du monde descendre, mais ça prenait la bad luck à Gauvin pour être 0-2. Gauvin que j'avais mis premier dans le power ranking au début, je pense. Sacrément que ça doit te faire chier, ça, mon bonhomme. Fait que, that's it. On regarde ça de plus près. Lamar Jackson, 17 points. Pas la plus grosse saison à date pour Lamar Jackson. Aaron Rodgers, 19 points. C'est pas mauvais. Ezekiel Elliott, 22 points. C'est bon. Keenan Drake, 11 points. Bof. Eckler, 18 points. Il a joué une grosse game quand même. Mais grosse game des Chargers. Contre Saquon Barkley, 2,8 points. Rip à mon boy Gauvin. Man, j'allais Barkley dans un autre fantasy. Calisse que ça fait chier. J'espère qu'il va faire un comeback à la AP. Tyreek Hill, 21 points contre Beckham, 17 points qui a bien joué. Metcalf, 19 points. Metcalf s'en vient un gros receiver de la ligue, là, si c'est pas déjà le cas. Il s'en vient vraiment salaud là, avec sa team et tout ça, là. Cooper Kupp, 13 points, ok. Ensuite, Kelce, 24 points, wow, contre Mark Andrews, 3 points. On n'a rien d'autre à dire. Jonathan Taylor qui profite de la blessure de Marlon Mack et a eu 66% des snaps avec 19 points, 101 verges, 1 TD. John Taylor est massif pour vrai. Nick Chubb, 26,30 points. Quel game des deux running backs jeudi. Patriots, 6 points contre Seahawks. Puis Bears, 12 points. Matt qui, grâce à sa défensive des Bears, s'en va 2-0. Puis Gauvin tombe au profond du classement avec 0-2. Fait que, good job les boys. C'était un bon match-up. J'ai aimé ça, suivre ça de près. Et finalement, pour le dernier match-up. So we just had this prior to the penalty in the Falcons-Cowboys game. Look at this. You've got a wildcat formation with a wide receiver, Russell Gage, playing quarterback. Julio Jones does not drop passes like that very often. And he just dropped a touchdown. Wow! Est-ce que tu as écouté la game? Est-ce que ça te rappelle cette game, James? Julio, tout seul, reçoit une passe de son wide receiver, bro, que Zach vient de pick up. Il reçoit cette fabuleuse passe tout seul, bro, dans le TD. Guess what, motherfucker? He dropped it. Ça t'aurait fait win, bro. Salope. Et en plus, putain, putain, putain. Putain de tabarnak! Sammy Watkins avec 2,10 points pour James contre les Chargers. Ça faisait pitié. Sammy Watkins, je sais pas pourquoi que t'as mis ça à la place de Tyler Lockett. Putain de putain de putain de putain, gros. T'as Juju Smith, t'as Tyler Lockett, tu mets Sammy Watkins. Anyway, on va regarder le match-up. Un autre énorme match-up. Shout-out à Milfunters qui va chercher sa première victoire. On a eu chaud, surtout quand que Russell Wilson a lancé sa passe de TD à Carlson, là. Et tabarnak que ça sentait la soupe chaude pour Milfunters. Mais finalement, c'est bien fait de bouffer le cul par mange-moi le cul. On regarde ça de plus près, c'était 104,12 pour Milf Hunters à la marge moins le cul, 102,80. Fait assez serré. Russell Wilson, ball out. 33,42 points contre Deshaun Watson, 14 points. Derrick Henry, 8 points, salak. Delvin Cook, 17 points, le seul joueur qui a produit, même si c'était à chier, leur game chez Minnesota. Carlson, 19 points, grosse game, grosse game. Sa passe pour la TD, sa réception pour la TD était fresh. Contre Ronald Jones, qui a fait 10 points. Hopkins, 20 points pour Zach. Contre Julio, 4,4 points. Where is Julio? I can't see him. Julio, en plus, qui drop une bombe de Matt. Non, même pas, c'était son wide receiver, je pense, qui avait un jeu tricky. Il a fait une bombe. Julio, il est tout seul. Il est dans le TD. Il drop ça, man. Are you a rookie or what, bitch? Les deux receivers de James qui ont laqué. Cortland Sutton qui s'est blessé. Même à ça, a fait mieux que Watkins avec 9 points. Zach Ertz, 9 points aussi. Jordan Reed, shout out à James. Gros pick-up. Il est allé chercher Jordan Reed en l'absence de Kittle. Puis ça produit 24 points quand même. C'est un vieux de la vieille, ce boy-là. Puis avant, il était vraiment fort. Il a connu quelques saisons misérables dans les derniers temps. Mais shout out. Mostert blessé, 18 points. Mais c'est blessé à la fin de la game. Ce qui paraît, la blessure n'est pas tant longue. D'après moi, next week ou l'autre d'après, il va être là. Contre David Johnson, 7 points. Puis les Broncos ont fait 5 points contre Pittsburgh. Mais ont quand même battu les Bills qui affrontent Miami. Ça, c'est assez drôle, merci, là. Donc, 104 à 102. C'est ce qui est du match-up entre les deux. Maintenant, j'aimerais faire un petit retour. Sur la ligue, il s'est passé plusieurs choses. On va regarder ça de plus en détail. Dans le fond, pour ce qui est des trades, ce sera pas long, là, mon sel y ouvre. Pour ce qui est des trades, Zach a tradé hier sans le dire à personne. C'est un peu natty. Il a tradé, il l'a dit par après, là, à James, justement, Julio et Tyler Lockett contre Stephon Diggs et Devante Parker. Oui, Stephon Diggs est fort. Devante Parker est simili blessé, simili lacant. Julio, bro, il est 23e wide en ce moment dans la ligue, mais putain qu'il va exploser, je le sens. Mais lui aussi, peut-être joue avec des blessures. Tyler Lockett va être crissement fort, surtout si Wilson continue là-dessus. Fait que je pense, je donne le trade gagnant à Zach, même si sur papier. C'est James, c'est le receiver qui reçoit, qui ont fait plus de points. Je pense qu'au bout du compte, ça va être gagnant. Shout-out à Swatsky qui a été chercher Devante Freeman, c'est free agent. Gros move, très rapide. Ensuite de ça, dans les dans le FAB, là, les waivers. Lockdown de Hose qui est allé chercher Gallup pour 21$. Il drop Jerry Jeudy qui avait fait plus de points. Qui va avoir un impact significatif si Cortland Sutton n'est plus là. Mais c'est sûr que son QB non plus est plus là, fait que ça lag un peu. Mais il va chercher Michael Gallup dans une tertiaire de receiver assez prononcé avec CeeDee Lamb et Cooper. J'ai pas trop compris le 21$ là-dessus, mais bon, on va voir. Puis un autre 12$ pour Joshua Kelly. Ok, ça c'est pas prévu pour AP. Là. Sinon, on a du rocher. Qui est allé chercher Jerry McKinnon pour 10$. Bon pick-up. 10$, ça vaut à peine. Il va avoir une coupe de 2 weeks peut-être à être le seul running back presque des Niners. Ensuite, Swatsky, 5$ pour Matt Ryan, c'est pas mauvais. Zach qui va chercher Noah Fenn pour 5$. Broncos move, là. Je comprends ça. Comme Gauvin qui va chercher N'Keal Harry pour 5$. Ensuite, Smash de TT qui a payé 5$ pour la défensive des Colts. Puis il a drop la défensive des Saints. Ça, je ne l'ai pas tant compris parce que les deux sont à égalité. Mais bon, à suivre. Ensuite de ça, on a Milf Hunters qui est allé chercher Buccaneers pour 1$ à la défensive contre l'aile des Broncos. C'est sûr que l'aile des Broncos est pété. Là. Puis Gauvin qui est allé chercher Golden Tate pour 1$. Donc pour les waivers, c'est ça. Je pense pas qu'à part Lozier qui va chercher Jerry qui va chercher Gallup, ça c'était un peu funky là, mais pour le reste c'était assez bon. Shout out, la semaine passée j'en ai pas parlé. Shout out à Gauvin qui a fait un esti de gros move. Gauvin est allé chercher. Tabarnak, il a même eu des trades. Il a drop genre 70$ pensant que le Fab allait revenir pour Hunter Renfrow. Le petit gars qui a l'air sur le crack des Raiders. Là. Fait que Charlotte à Gauvin. Sinon, dans les autres trades là, qu'on va vite vite aller voir la semaine passée, Gauvin qui reçoit Travis Kelce, Saquon Barkley, DJ Chark. Du rocher que j'y reçois, Davante Parker, Davante Adams, Tyler Higbee, puis Devin Singletary. Du rocher doit se marrer en ce moment parce que Saquon est blessé. Sinon, Gauvin, j'aurais donné le trade à 100 000%, mais Saquon blessé, fait que salak pour Gauvin, là. Rest in peace, bro. Ensuite, Zach, qui était quand même actif aussi avec du rocher. Du rocher a reçu Emmanuel Sanders, puis Melvin Gordon, Zach, Mark Ingram, David Johnson. T'as allé chercher de la profondeur niveau running back, c'est pas mauvais. Donc, c'est pas mal ça pour les trades. Ha! Got him one more time, bitch! James, une chance que j'avais pas fini le fucking putain de podcast parce que asti qu'on a des sujets à discuter, moi pis toi. One on one. Tabarnak! La bombe vient de drop. Boys. Dans le monde du National Natty Team. James qui reçoit AJ Green. Eh oui, AJ Green. Tu sais, le gars qui a eu 13 targets, 3 réceptions, là. Eh oui, AJ Green qui a fait 15 points, 16 points depuis le début de la saison en deux games. Quel receiver de 30 quelques années, là. C'est un genou, un rapide. Et Davante Adams. Ok, Davante Adams, je vais te donner un bon QB, mais. Qui a un hamstring, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Va-t-il revenir à 100% cette saison ou va l'aggraver? On ne sait pas. Pour Stephon Diggs, un des receivers les plus en feu de la ligue, bébé, puis Chris Carson. Juste pour vous donner une idée, là, Stephon Diggs a fait plus de points que AJ Green à sa pay game de la saison. Puis là, quand je dis que AJ Green, c'est ces deux games ensemble. Mais bon. Probablement que James, entre ses deux grains de sel qu'il a dans la tête, il avait probablement pensé à quelque chose. Au moins, on est content, boys. Ces deux esties de crise de jambon qui s'échangent des poubelles. Chris Carson est bon, mais il n'y a pas beaucoup de. Comment je te dirais bien ça? Il n'y a pas beaucoup de carries tant que ça. Il y a même des passes. Mais en tout cas, on verra. Sinon, Zach puis Swatski qui échangent Mark Ingram, Todd Gurley. Je suis trop ça faire, sincèrement. C'est un bon trade, là. Les deux ont presque autant de points. C'est sûr que Todd Gurley peut-être va avoir plus de touches. J.K. Dobbins va peut-être voler des touches à Mark Ingram. Sinon, Robbie Anderson et Aaron Jones ont été échangés à Swatski. Encore James qui fait des siennes, sacrément. Il échange Dalvin Cook, un monstre. Un des seuls gars productifs de sa team. Un esti de monstre. Et George Kittle, qui, ok, oui, est blessé. Mais quand que tu cliques juste sur son bonhomme, là, tu descends. Ça dit George Kittle, back at practice. Ça, là, ça veut pas dire il revient dans 4 semaines, dans 8 semaines. Back at fucking practice. Le gars, c'est un dog, là. Il revient soon. Fait qu'il échange un top 5 running back, puis un top 2 tight end, top 3 peut-être avec Waller, là, qui performe, contre Aaron Jones, qui, oui, a connu des grosses games ces temps-ci. Va-t-il continuer? Je ne crois pas. Je le souhaite pour James, mais je ne le crois pas. Et Robbie Anderson, le crackhead. Bro, Robbie fucking Anderson. En tout cas, je trouve que ça manque de classe un peu, là. Mais anyway, James, tu le sais que si jamais tu cherches quelqu'un pour. Puis, by the way, Robbie Anderson venait d'être pris, genre, comme free agent. Il a drop Jarvis Landry et Swatski. Il a joué sacrément que t'as bien fait. Ben, Swatski, je te donne mon chapeau. Ça. T'es un des grands cerveaux de la ligue, là. Bon, pull up un move de même, là. Good job. James, on en reparlera une autre fois, là. J'espère que tu vas t'améliorer pour que je puisse te donner des compliments, mais d'ici là, t'as des croûtes à manger, mon petit bonhomme. Donc, on est maintenant rendu, boys, aux affrontements de la semaine. Je vais commencer avec un duo d'amis. Il n'y en a pas beaucoup dans la ligue, fait que c'est intéressant. MILF Hunters affronte FED. Deux estis de gros tas de marde. Zach 1-1-0. Est-il chanceux? Peut-être. Mathieu 2-0 a prouvé à tout le monde que le gars qui l'a aidé à faire la draft était super bon. On l'entendait parler pendant le draft, là. Pas sûr que toutes ses décisions lui revenaient, mais bon. Bonne stratégie parce que ça paye pour lui. Quel team qu'il a en ce moment? On regarde ça. Lamar Jackson contre Baltimore ou Russell Wilson à Dallas. Russell, je donne l'avantage à Russell Wilson pour Zach. Ensuite, David Johnson à fond de Pittsburgh. Ouch, il va se faire détruire. Gros, la défensive de Pittsburgh est vraiment puissante. Ezekiel Elliott, Seattle, même affaire. Fait que ça va être tough, mais mettons qu'Ezekiel Elliott a plus de talent. Ezekiel. Derrick Henry à fond de Minnesota qui sont vraiment blessés. Pourrait être un sauveur pour MILF Hunters, là, s'il break out des runs. Eckler, c'est sûr que là, il a bien joué dans la semaine passée. Est-ce qu'il va être aussi fort? Il est à fond de Caroline. Caroline aussi, c'est pas le gros club. Ils sont blessés. Fait que je vais donner l'avantage à Henry, mais ça va être serré. Julio à fond de Chicago. Beckham à fond de Washington. Je pense que Julio va jouer le meilleur game, là. Si Odell Beckham un QB qui lack, a.k.a. Baker Mayfield, ça sera pas bobo tout de suite. Après ça, D-Hop affronte Metcalf. D-Hop, c'est sûr qu'il va le péter. Il affronte Détroit en plus. Quelle équipe médiocre. Zach Ertz contre Mark Andrews. Zach Ertz affronte Cincinnati. Je vais lui donner l'avantage aussi. Lockett contre Jonathan Taylor. Je pense que Jonathan Taylor va jouer une nasty grosse game. Il affronte les Jets. Est-ce qu'il va faire comme. Il va vouloir faire parler les médias. Fait que je vais donner l'avantage à Taylor. Puis les Buccaneers qui affrontent Denver. Sacrement, Zach, il s'insulte lui-même. Contre les Bears qui affrontent Atlanta. Ça va être serré. Je vais donner l'avantage aux Bears qui ont quand même joué une bonne game la semaine passée, la défensive. Le Projected Point dit 124,93 à Matt à 124,60 pour Zach. C'est serré. Je pense que je vais donner l'avantage à Zach. Parce que Zach, je sais pas, je sens qu'il va pull up une petite victoire encore une fois chanceuse. Donner une première défaite à Matt. Ça serait bien apprécié. Ensuite, deux estis de crotté s'affrontent. Mange-moi le cul contre bouche pleine de sauce. Ça sent déjà mauvais, cette histoire. Deux gars pas très propres qui s'affrontent. On regarde ça. Watson à Pittsburgh. Pense pas. Mahomes à Baltimore, je pense qu'il va pull up des grosses games. Mahomes, il est bon sous la pression. Gordon à Tampa Bay, c'est pas pire. Cook à Tennessee, c'est pas mauvais. Je vais donner l'avantage à Cook. Ensuite, Carson affronte si Dallas, Singletary, LA. Je pense que ça va être Carson qui va payer. Il a connu une grosse game la semaine passée. Les deux ont des backfields qui partagent. Ensuite, Devante Parker, ouais. On va passer à un autre appel. Puis Stephon Diggs. Stephon Diggs, par contre, il affronte LA. Ce qui va être couvert par Jalen Ramsey. J'espère pas pour James parce que sinon, ça se peut qu'il se fasse shutdown. Mike Evans à Denver, c'est bon parce que Denver sont massacrés. Deontay Johnson à Houston, c'est bon aussi. Houston sont pas très bons contre la passe. Big Ben a connu une grosse game. Je pense que Johnson, sauf, est blessé. Jordan Reed aux Giants, ça c'est bon. Higbee à Buffalo, moins bon. Je sais que les projected points sont donnés plus à Higbee, mais moi je vais y aller avec Reed. Ensuite, Kareem Hunt à Washington. Watch out. Watch out. Devante Adams qui est sur le flex. J'imagine que Durocher va changer. Je pense qu'il ne jouera pas. Mais sinon, affronte Nouvelle-Orléans. Je pense que Kareem Hunt va feaster encore. Puis sinon, Bills à LA contre Niners à Giants. Niners sont blessés. Je vais donner une chance aux Bills. Les Rams ont une bonne défensive, une attaque. Pas pire, mais je pense que les Bills peuvent les shutdown avec Devin Singletary. Fait Projected Point 107 à 123 pour bouche pleine de sauce. Moi aussi, je pense que les wide receivers vont faire la différence. Là, vraiment, bouche pleine de sauce, je te donne la victoire cette semaine. Tu serais première victoire pour toi, ça serait le fun. James qui perdrait, deuxième victoire de la suite, ça serait le fun aussi. On aime ça quand il perd. Ensuite, Govinator contre Smash de TT. Le shitball, on peut appeler ça comme ça, et oui. Deux teams 0-2, deux teams. Gauvin, pas chanceux, team blessé. Swatski, pas bon. Team average. Mais non, je te niaise, pour de vrai, t'as des running backs de feu. Si je regarde ça vite, vite, là, Matt Ryan, Cam Newton, je vais le donner à Matt Ryan. Je vais le donner à Cam Newton, il a connu des assez grosses games, puis il court en malade. Kenyan Drake à Détroit contre Kamara à Green Bay. Je vais donner à Kamara parce que tu peux pas miser contre Kamara. Nick Chubb contre Aaron Jones en Nouvelle-Orléans. Aaron Jones a joué une game de débile. Nick Chubb aussi. Dur à dire. Je pense qu'Aaron Jones va gagner une meilleure game là, s'il suit la tendance. Ensuite, Tyreek contre Cooper. Tyreek, tu peux pas bet contre lui, il est malade, même s'il affronte le tertiaire défensive de Baltimore, comme dirait mon ami Pierre Vercheval. Cooper Kupp à Buffalo aussi, ça va être tough. Deux gros match-ups difficiles pour les receivers à Gauvin, là, qui jouent contre deux défensives vraiment fortes contre la passe. Godwin à Denver, ça peut être bon. Je pense qu'il revient d'une... Je sais même pas s'il va jouer, mais je pense qu'il revient d'une commotion, là, à voir comment il feel. Ingram contre San Francisco, Kelsey, pas le choix d'y aller avec Kelsey. Boyd contre Woods. Difficile à dire. Là. Woods, s'il n'est pas couvert par Singletary, ok, je vais y donner. Puis les Patriots et les Colts qui s'affrontent en défensive, je vais aller avec les Colts étant donné qu'ils affrontent les Jets. Rien de beau pour ça. Les Projected Points, 123 à Durocher à 120 pour Govinator. Est-ce que. Durocher, excuse, chemin de Titi, c'est Swatsky. Je pense aussi que ce match de TT va gagner. Je vais donner la victoire à ce match de TT parce que Govinator, comme j'ai dit, les receivers affrontent des gros clubs. Ça va se jouer au niveau des running backs. Puis Swatsky, les running backs ont défoncé ça la semaine passée. Donc, à suivre, boys. J'ai hâte de voir ça, mais je vais donner la victoire à Swatsky. Puis, ensuite, le dernier match-up. Match-up au sommet. Deux équipes puissantes. Wong Yi's team contre Lockdown the Hose. On regarde ça. Murray à Détroit contre Prescott à Seattle. Pas le choix d'y aller avec Murray. Là, je vais être à night. Josh Jacobs en Nouvelle-Angleterre. Ça va être tough. Contre Sanders à Cincinnati. Je vais y aller avec Sanders. Clyde à fond de Baltimore. Ça va être tough. Mais Robinson contre Miami. En tout cas, Robinson, je ne suis pas un grand fan. Là. Je pense pas qu'il va être super fort. Je vais le donner à victoire à Clyde. Thielen contre Tennessee. Thielen, vas-tu revenir de sa faible game la semaine passée? Je l'espère. Il affronte Robinson. Il n'y a pas un gros défi. Fait que je vais donner la victoire à Thielen. Ridley à Chicago contre DJ Moore. Écoute, Ridley, bro, on le sait, c'est qui? C'est un dog. C'est lui. C'est son année cette saison. Fait que s'il n'y a pas de blessure, je l'espère. Je vais donner la victoire à Ridley. Là. Il va encore fier, surtout à Chicago. Darren Waller contre Jared Cook. On a vu la dernière game de Darren Waller. Insane. Il affronte par contre les Packers. Ça va être tough. Non, il affronte New England, mais Jared Cook affronte les Packers. Fait que je vais continuer d'y aller avec Waller. Mixon à Philadelphie contre James Conner à Houston. Ouf, ça va être serré. Mixon, j'aimerais ça qu'il ait plus de touches, mais si on y va avec la logique, ça va être Conner qui va le battre. Et Steelers, ils affrontent Houston. J'aime le match-up. Ravens affronte Kansas City. Ça va être tough. Fait que moi, je vais y aller avec Steelers. Puis, j'avais me prédit une victoire, Lockdown de Hose. T'es une belle équipe, mais rien comparé à moi. Sorry, brah. Donc, that's it pour les match-up, boys. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, les boys, je suis 6-2 depuis le début. J'étais 4-0 après week 1. Semaine passée, j'avais dit que Gauvin et Mange-moi le cul allaient gagner. Quelle bande de plaies qui m'ont enlevé ma fiche parfaite. J'avais foi en vous, boys. Sinon, Lockdown et moi qui ont gagné, ça c'était sûr. J'avais prédit. Donc, 6-2. Ma fiche pour l'instant. It's time! Yeah, baby, it's time for Power Rankings! Merci à Bruce Buffer, by the way, d'être venu sur le show. Donc, on commence ça, boys. Power Rankings, numéro 8, James. James. Est-ce que ta team à lac? Je suis sorry, gros, mais t'as AJ Green. Wesh! Devante Parker, avec un QB. Trash! Devante Adams, qui est blessé. OK. Kareem Hunt, deuxième running back d'une team. Wesh! Mais il est quand même bon, mais c'est pas genre, je le mettrais sur le flex. Mais non, sur le flex, t'as qui? AJ Green. Ensuite, t'as Deshaun Watson, QB. Cette saison, Texans, ça sent vraiment la crotte. Ça sent un peu de la laine à James, dans le fond. Fait que j'imagine c'est pour ça que tu l'as pris. Fait que c'est ça, 8e position James, 7e position son adversaire du Rocher, du trash ball, du Rocher 0-2, du Rocher qui start Jerick McKinnon. Pas sûr que tout le monde sait c'est qui, pas sûr que lui-même savait c'était qui avant ça. Running back, 3e running back des 49ers. Oui, il va avoir des targets, puis oui, il va courir, mais raf. Bro, ta team manque de profondeur, gros. Sur ton bench, t'as James White. Brandon Cooks, gros, c'est de la poubelle, là. Singletary. Je vais te donner ta Diggs, ton meilleur joueur, Pat Mahomes. Sinon, ça lag pas mal. T'as Carson aussi qui est popé, mais je pense pas qu'il va être aussi productif constamment. Carson manque de target. Ensuite de ça, numéro 6, on a bravo à MILF Hunters qui a augmenté de 2 places depuis mon dernier Power Ranking. Qui est allé faire des bons moves là. Je pense que qui est allé chercher Julio, c'est fort. D-Ops puis Julio, c'est un esti de duo de salaud sur son run line-up. Zach Ertz, d'après moi, devrait se réveiller. Il a le meilleur QB de la ligue en ce moment, là, je pense, Russell Wilson. Sinon, c'est running back Salak un peu, là. Va falloir qu'il check ça. Mais bon, tu sais que mes DM sont toujours ouverts, bébé. Call me anytime. Mais good job à Zach qui finit sixième, là. Il a augmenté de 2 places. Ensuite, cinquième place, on y va avec Govinator. Govinator, que je l'avais mis très haut dans mes power rankings, c'est une petite chute libre pour lui. Pourtant, Govinator a un esti d'équipe, les boys. Je regarde ça, là, puis ça lac pas pantoute. Je pense qu'il a vraiment pas été chanceux dans les 2 dernières semaines. Il est 0-2. Je pense pas que ça reflète sa team. Je pense vraiment pas que ça reflète sa team. Je pense qu'il va se réveiller tôt ou tard, là. Je peux pas croire qu'il va être si pas chanceux que ça. Par contre, manque un peu de profondeur là, quand je regarde son bench, Golden Tate. Il est allé chercher N'Keal Harry. Je sais pas pourquoi il était allé faire ça, Gauvin. C'est peut-être parce que c'est un patriote, mais putain que ça laque. Fait que c'est ça là, pour Gauvin, son bench manque de profondeur, mais sinon quand même une post-spé team. Donc au numéro 5. Numéro 4, shout-out à mon boy LED, Matt. 2-0, commence bien la saison, très fort. Je regarde ça là, Evidy, Lamar Jackson, Elliott, ça lag pas là. Des bons receivers. Ces receivers sont pas les meilleurs, mais pas les pires. C'est des quand même bons receivers en Beckham et Metcalf. Eckler, je pense qu'il y a un hype sur lui. Peut-être que je me trompe, là, mais je pense pas qu'il va revenir. Par contre, Jonathan Taylor sur son flex, énorme. Sinon, son bench, ça lac un peu là. Tu sais, ok, CeeDee Lamb, c'est bon. John Brown, c'est bon, mais sinon, Drew Brees, T.Y. Hilton, gros. Ce gars-là représente bien Black Lives Matter, hein, mais il représente bien sa couleur de peau. Putain que c'est un étron ce mec. Asti qui laque. Jordan Howard, rien fait de bon aussi. Fait que c'est ça pour c'est la quatrième place à Matt et les Heavy Ensuite, troisième place, c'est vraiment fucké que je vais dire ça. Je vais donner la troisième place à Swatski, il est 0-2, mais pourtant, gros, boys, il m'a affronté la semaine passée. Asti qui est pas chanceux parce que Chris il avait fait des points quand même. Là. Il avait fait quand même, je regarde vite, 142 points. Il battait tout le monde sauf moi. Guess what? Il m'a pogné. Ça, c'est de la chance, mon Swatski, bébé. T'as frappé ton homme. Comme on dit, mais 0-2, mais je regarde ça. Il y a une team. Matt Ryan connaît une bonne saison quand même. Lance des gros dots. Dalvin Cook qui vient d'aller chercher avec Kamara. Ça, là, c'est cave. James vient de brûler la ligue en faisant cette calisse de trade-là. J'étais un peu off. George Kittle, tight end. Oui, blessé, va-t-il jouer? Je pense. Quand même, c'est un gros morceau, là, Kittle. Quand même, de la profondeur. T'as allé chercher aussi Freeman sur les waivers. En fait, même pas sur les waivers, c'est Free Agent. Puis, je regarde ça. Il y a Ingram, Freeman ou Fournette. C'est quand même 3 bons running backs là, qui sont pas à négliger, qui peuvent le remplacer. Swatski, je t'ai dit un petit truc de même si jamais tu veux battre Govinator. Puis, t'en fais ce que tu veux, mais. Mettre un wide receiver au flex, des fois ça peut rapporter, mais des fois c'est plus risqué. Quand tu y vas avec des running backs comme Mark Ingram qui va tout le temps aller chercher des touchdowns dans le red zone, ou même Fournette, moi je mettrais Fournette à ta place, mais en tout cas tu fais ce que je veux, là, tu veux, mais Fournette il a bien joué la semaine passée. Je pense qu'il va faire plus de points que Bobby Woods, même s'il n'est pas projected plus de points. Je te conseille ça, mais bro, tu fais ce que tu veux. Mais si jamais tu veux sortir de 0-2 ta fiche, tu devrais peut-être commencer à ouvrir l'oreille. Ha! Bitch! Ensuite, deuxième position, Lockdown de Hose. Grosse team. Malheureusement pour lui, il avait le plus gros duo de running back. McCaffrey sur la touche pour quelques semaines qui suivent, là. Je souhaite à l'oser qu'il revienne de bientôt. Mais sinon, quand je regarde ça, il y a quand même Josh Jacobs. Robinson, ok, c'est son pire running back, mais bon, il va avoir des touches quand même. Sinon, DJ Moore a bien performé. McLaurin, c'est pas mal le primary target de Dwayne Haskins à Washington. Fait que ces deux receivers que j'aurais pas personnellement pris, par contre, font leur preuve à long terme. Jared Cook semble être la target principale de Drew Brees là. Puis c'est ça, avec Kyler Murray qui peut carry toutes tes games vraiment fort. Puis finalement, boys, number one, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est juste regarder ma team, putain, bébé. Y'a rien qui m'arrête. Dak Prescott, c'est top, dans les top scoreurs de la ligue en ce moment. Miles Sanders, il est première game la semaine passée, putain, qui s'est décrissé 20 points. Clyde, qui, d'après moi, est vraiment pas à son top en ce moment, il fait des 10, 12, 15 points par semaine, il doit en faire plus. Après ça, Thielen a connu une mauvaise semaine, mais Thielen a primary target à Kirk Cousins, gros joueur. Ridley, what a dog. On est revenu sur ma team tantôt, là, mais vraiment, j'ai de la profondeur aussi. Là. Mes wide receivers, juste vous rappeler que j'ai Michael Thomas sur le bench. Bande de bitch. Puis c'est ça, je pense que sincèrement, ça sans aucune prétention, mais putain que je vous décris ma team, c'est la meilleure. Mais je reste un. So, that's it, boys. Merci de votre écoute encore, puis bonne semaine à tous. Jeudi, gros Thursday night, affrontement de Floride, de Redneck. C'est drôle parce que c'est en Floride, puis calisse que les QB sont Redneck. Minshew Mania contre Fitzmagic. On va regarder ça de près, boys. Bonne semaine à tous. J'espère qu'on va écouter le foot. En fin de semaine, je serai down qu'on écoute le foot ensemble si vous êtes down. Fait que, holla at me. Je sais que je suis le wongy de la place, là, mais still, ce serait chill. Alright, peace, boys.